1, 2, 3. Isma dit Ninina. Mon papa c'est Nubi. Papa c'est MC. Originale. Lyrical. Non. C'est qui va chanter là? Nubi. Yo. Ma réalité, c'est ma cité dans ma banlieue de Paris. Mais dans un coin de ma tête, c'est Trinité ou Sainte-Marie. Ne me traite pas de négropolitain. Je suis nègre au quotidien, j'ai subi la discrimination dans cette soi-disant civilisation. Et je refuse leur théorie parce que j'ai été bafoué par les stéréotypes sur les négroïdes. Mais moi je sais qui je suis et j'ai pas choisi de naître ici. Victime de l'air nuisible et de la perfidie. Je veux satisfaire mes désirs et saisir ma chance. Partir vieillir au pays, fuir la France pour enfin être heureux avec l'aide de Dieu. Et plus ma fille grandit et plus je me dis que c'est ce que j'ai à faire de mieux. Avant-gardiste, artiste, originale, détenteur du super pouvoir, lyrical, goûte à ma saveur, typical, riche madininina, radididical, nubisan. Avant-gardiste, artiste, originale, détenteur du super pouvoir, lyrical, goûte à ma saveur, typical, riche madininina, matnik. Bienvenue dans l'île aux fleurs où le soleil embellit nos sœurs. Ici le rhum échauffe l'esprit de l'homme et la musique adoucit nos mœurs. Ça bouge pas mal dans les soirées zouk raga, mais reste cool papa, surtout va pas foutre le souk là-bas. Le ciel est bleu, la vie a un goût de paradis. À part quelques émeutes et des coups de carabine, on veut briser nos chaînes, mais d'autres voudraient briser nos rêves. Ils ont déjà brimé nos pères, épuisé nos mères et pillé nos terres, et souvent même humilié nos frères. Voilà pourquoi je crache sur les négriers modernes. Maintenant j'évite les problèmes et j'écris des poèmes. Je veux que ma mère soit fière, alors fais gicler une mouette. Avant-gardiste, artiste, originale, détenteur du super pouvoir, lyrical, goûte à ma saveur, typical, niche madininina, radididical, nubisan. Avant-gardiste, artiste, originale, détenteur du super pouvoir, lyrical, goûte à ma saveur, typical, niche madininina, kalililiman, nubisan. Je suis le descendant d'un esclave affranchi qui veut progresser dans le temps en quête du prochain stade à franchir. Il faut qu'on sorte de là, révolte-toi. Moi je me donne le droit de faire ma vie avec mes propres choix. Ceux qui sont proches de moi connaissent mes procédés. Zeb et OCB, je rappe comme si j'étais possédé, obsédé par l'envie d'exceller et d'être efficace. Et chaque vers, c'est à mes trois frères que je les dédicace. Honnête, rap réel, poète comme Jacques Prévert, mais avec en plus la négritude dans l'écriture, c'est juste moi. Jusque là ça fonctionne, pas de variété, je suis droit envers les voyelles, vrai avec les consonnes, je suis avant-gardiste, artiste, originale, détenteur du super pouvoir, lyrical, goûte à ma saveur, typical, radididical, nubisan. Avant-gardiste, artiste, originale, détenteur du super pouvoir, lyrical, goûte à ma saveur, typical, ishmadininina, kalililiman, nubisan. Avant-gardiste, artiste, originale, détenteur du super pouvoir, lyrical, goûte à ma saveur, typical. Originale.